Chapitre 22e. Le lendemain, dans la voiture, ça discute ferme. À l'avant, les hommes apprécient les reprises du moteur. À l'arrière, Mireille explique la recette de la soupe au pistou à Fatia. « Arrête, Mireille, c'est une chorba que tu fais, c'est tout. Tu n'as rien à monter. » lui lance Bachir. « Mais non, ça n'a rien à voir avec la chorba. Qu'est-ce que tu racontes ?»« Eh ben moi, je préfère la loubia. » Après Pertuis, Adrien interroge Bachir. « Dis-moi, Bachir, l'autre jour... » C'était la première fois que je voyais ta mère sans voile. Tu ne m'avais pas dit qu'elle était rousse. Ah oui, ça, c'est nos origines berbères. Dommage qu'elle ne m'ait pas donné ses yeux bleus. C'est le sang de mon père qui a été le plus fort. Oui, mais ton aîné a les yeux verts. Ces choses-là, ça saute souvent une génération. Tu sais, Camille, la petite dont je t'ai parlé, elle avait les yeux violets. Oh, ça doit être beau, j'en ai jamais vu. Arrivé sur place, rapide visite à Rayane, le village où est né Adrien. Ça ressemble à certaines régions d'Algérie, mais le ciel est beaucoup plus bleu ici. C'est vrai, il est presque bleu foncé. C'est beau quand même, il n'y a pas à dire. Chacun d'eux essaye de s'identifier à ce paysage, au parfum de la campagne, à la couleur du ciel et des champs. Maintenant, c'est notre pays. Sur le coup de midi, ils se rendent à Fort-Calquier pour déjeuner. Bachir stoppe la ronde à l'entrée du village devant une auberge. « Attendez, leur dit Adrien, je vais voir s'ils peuvent nous faire à manger. » Une minute plus tard, il leur fait signe de venir. À l'entrée de Bachir et de son épouse, la mine du patron s'allonge. « Tu vois, ici on est accueillant, » murmure Adrien avec ironie. Pendant tout le repas, le patron ne jette pas un regard sur Bachir et sa femme. Il les serre le visage fermé. Au dessert, Adrien leur dit sur le ton de la confidence « Vous allez voir, va rigoler. » Il appelle le patron. « Dites-moi, patron. » Mon ami ici présent désirait acheter une propriété dans le coin pour placer son argent. Vous ne connaissez rien à vendre ? Péremptoire, le patron répond. C'est votre ami, lui ? Et il a de l'argent ? Il n'y a rien à vendre ici, monsieur. Rien à vendre, vous comprenez ? De toute façon, vous n'avez qu'à vous adresser au notaire. Non mais ? Grommelle-t-il en repassant dans la cuisine. Tu vois, Bachir, maintenant tu es fixé, au cas où tu n'aurais pas compris. C'est toi qui lui donneras le pourboire. Mais tu verras, il le prendra quand même, va. En sortant du restaurant, Bachir est très affecté par ce qu'il vient d'entendre. Adrien lui tape sur l'épaule. « Ne le prends pas mal. Ils ne sont pas méchants, mais ils rejettent instinctivement tout ce qui est nouveau pour eux. Ils ont fait pareil avec les Italiens et les Espagnols. Ça prendra du temps, mais au bout du compte, ils vous accepteront comme ils ont accepté les autres. En attendant, c'est un connard, un kelb. Mais non, ne fais pas toi-même ce que tu leur reproches. Ne mets pas si vite une étiquette dans le dos des gens. Tu sais... Avant la guerre, il y avait à Lambesque un rémouleur qui s'appelait Trophime Avril. Personne ne savait s'il était gitan ou arabe. « Ah, c'est pas la même chose, hein ? Ne confonds pas, fais attention à ce que tu vas dire. Tu vois, tu recommences, toi aussi, tu fais ton tri. » Bref, au début, les gens lui jetaient des pierres et l'insultaient. Il a tenu bon et à force de courage, il a su se faire accepter et aurait pu manger chez n'importe qui dans le pays. « Bon, eh bien, on va attendre qu'on nous jette des pierres, alors, et qu'on nous insulte, si c'est le passage obligé pour être accepté. Allez, mauvaise tête, conduis au lieu de dire des conneries. »